comme si le monde n'avait pas envie de voir sous sa peur. Là comme si le monde n'avait pas envie de croire dans son cœur. Là comme si jalouse de leur self contrôle, on oubliait certaines personnes. Petite elle rêvait de soupirs, de jolies vagues, de chaleur. Petite elle caressait le sable, certaines dans le ciel. Protecteur, maladresse de la vie, son adresse ressemble trop à l'oubli. Elle vit douleur et on change de fil. Elle vit, ça change comme on change de fil. Ça change de vie. Mmh. Oh. Oh, yeah. Là comme si au bal des miracles on n'avait pas pris en compte ces envies normales d'une vie sans être sale, sans un nom. Elle nous dit son mal se dessine sans encre, sans mélodie. Bonheur si les elle vit.